Pfizer, le champion des profits pharmaceutiques, fait chanter les gouvernements et terrorise des populations entières. Les représentants de Pfizer terrorisent en coulisses de nombreux gouvernements par leur course au profit avec les vaccins contre le Covid. Exemple en Amérique du Sud. En juin 2020, en guise de compensation et de garantie pour la livraison de millions de lots de vaccins, Pfizer a exigé du gouvernement argentin les réserves bancaires nationales, les bases militaires existantes et les biens immobiliers des ambassades du pays dans le monde entier. En outre, le gouvernement a dû assumer la responsabilité totale des effets secondaires liés à la vaccination en souscrivant une assurance responsabilité civile spéciale. La même chose s'est produite au Brésil. Ne faut-il pas mettre définitivement un terme à cette impitoyable course au profit en temps de crise des grands groupes pharmaceutiques ?